construite avec l'argent généreusement donné par l'ANR était assez complexe, comme vous pouvez le voir. Là, c'est la structure générale. Elle consistait à découper en rondelles les différents éléments des écritures, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, et à les rentrer avec un système extrêmement complexe que je vous passe. Si un jour vous avez 6 heures à perdre, je vous invite à Paris, je vous expliquerai. On a mis du temps à même apprendre à s'en servir, nous, et encore maintenant, je ne suis pas très sûr. En gros, les différents éléments de l'écriture sont rentrés comme acteurs, comptes dépendant des acteurs. Là, l'écriture générale est conservée, ça c'est la règle, vous la voyez en bas, en tout petit et en illisible, et les différents éléments, quantité, prix, etc., sont rentrés dans des cases prévues à cet effet. La base avait été volontairement faite de manière très très souple, de façon à ce qu'on puisse traiter toutes les âneries qu'un marchand du XVIIIe siècle pourrait faire avec ses comptes, et Dieu sait qu'il y en a. À ma relative satisfaction, le seul truc qu'on n'avait pas prévu assez souple, c'était les lettres de change, parce qu'il faut vraiment les pieds au mur avec, donc là, il y a des choses qu'on a eu beaucoup de mal à rentrer. Mais en gros, on a réussi à rentrer à peu près tous les éléments. Après, ce que ça donne, bon, ça, c'est les masques de saisie, hein, vous voyez qu'il y en a des kilomètres. Après, ce que ça donne, c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut l'exporter sous forme de tableau Excel, avec... la date, les codages, l'écriture principale, enfin l'écriture recopiée que vous voyez au milieu, c'est tous les petits mots, et puis les différentes valeurs dans le désordre. La base ne prévoit pas de traitement. Ça, c'est la responsabilité des gens, ils se débrouillent. On va la mettre en ligne, donc vous aurez le droit de l'utiliser, mais vous toucherez cette horreur, et après, il faudra que vous battiez avec pour que ça fasse sens, ce qui demande du travail. Ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai fait traiter ça par un certain nombre de macros Excel, qui m'a permis d'aboutir à quelque chose d'à peu près lisible. Vous avez la date, débiteur, créditeur, description, les valeurs et le produit, et puis des codages que je vous passe. Donc ça, c'était la première partie du travail. Là, c'était la description de ce que faisaient les macros. J'ai ensuite... Alors, quoi faire avec ces comptes? C'est là que ça commence à devenir un problème. Qu'est-ce que je fais avec, d'une part, des comptes personnels, il y en avait 300 chez Gradis, il y en a 900 chez Hollingsworth, ces gens servaient quand même de banque régionale, pratiquement. Comment est-ce que je représente les interactions entre comptes? Je ne connais rien au réseau, je ne devrais même pas être ici. J'ai téléphoné à Claire en me disant « bon, elle m'a dit oui, ça tu peux essayer ». Elle m'a donné quelques conseils pour que ça ne soit pas totalement désastreux. Et ce que ça aboutit, c'est à l'idée que j'allais essayer de calculer les relations entre comptes personnels. Pourquoi ? Les relations entre comptes personnels du point de vue comptable, c'est-à-dire les compensations de compte à compte. Ce que vous faites encore aujourd'hui quand vous faites un virement à quelqu'un. Quand vous faites un virement à quelqu'un, vous n'amenez pas un sac de Napoléon d'un endroit à un autre. Vous échangez pas non plus votre bahut de grand-mère contre autre chose de votre vis-à-vis. Ce que vous faites, c'est simplement une écriture dans laquelle la banque que vous avez, les deux banques, vous pourrez avoir une banque en commun avec la personne chez qui vous virez, met une ligne sur votre compte en disant « eh ben vous me devez tant de plus », et met une ligne sur le compte à qui ça a été envoyé en disant « vous me devez tant de moins parce que le monsieur-là, il vous a donné de l'argent ». Ça s'appelle un virement de compte à compte, vous l'avez peut-être déjà fait. Qu'est-ce qui se passe quand on traite à l'intérieur de Gradis et de Hollingsworth, ces virements de compte à compte, qu'on les isole, et qu'on considère qu'à partir du moment où deux comptes ont vu un virement de valeur de l'un à l'autre, ils doivent être reliés d'une certaine façon. Alors là, vous voyez déjà mon approche personnelle du réseau, c'est-à-dire qu'il y a une hypothèse de départ qui est que dans quelque chose de parfaitement homogène, qui est une comptabilité marchande, avec des éléments également homogènes qui sont des comptes et des valeurs de transfert, hein, c'est déjà mâché, si je puis dire, je ne suis pas en train de combiner plusieurs sources, c'est une source et une seule. Le fait qu'un marchand décide de faire passer une valeur d'un endroit à un autre signifie au minimum que les deux personnes pour lesquelles il fait ça sont d'accord et donc sont reliées d'une façon ou d'une autre. Surtout au XVIIIe siècle, parce qu'il y a toute une théorie derrière, à savoir qu'au XVIIIe siècle, vous n'allez pas vous laisser donner de la valeur par des gens que vous ne connaissez pas et qui peuvent vous donner de la valeur qui ne vaut rien en réalité. Je vous rappelle que le crédit ou le débit des gens est extrêmement flottant et que donc si vous acceptez d'une certaine façon qu'un tel vous crédite de quelque chose, du même coup, vous supposez que le un tel en question à un crédit qui vaut le coup d'être reçu tout de même. Donc j'ai mis sous Pagec cela en faisant un intermédiaire Excel, c'est-à-dire une feuille Excel avec des macros qui me permettaient de dégager les débiteurs et les créditeurs déjà codés avec les valeurs converties en deniers, puisque évidemment, livre sous denier, sinon c'est pas drôle. Mais enfin bon, ça c'est relativement facile. Et ça me donne ceci, que ensuite, alors Pagec est une horreur, d'ailleurs Claire m'avait dit, tu sais, tu ne devrais pas utiliser ça, mais malheureusement je suis sous Mac et c'est tout ce que j'ai réussi à faire tourner, et encore, ça a été un peu dur. Donc j'ai fini par avoir cette interface que certains d'entre vous connaissent, et qui, j'ai deux mots à dire aux auteurs, dans la salle. Ah oui, alors ça c'est une des urgences extrêmes du travail sur les réseaux, c'est de faire des manuels qui soient accessibles à des ahuris dans mon genre. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà ouvert le manuel Pagec, mais c'est quand même hardcore. Puisqu'il s'agit de la liste des commandes dans l'ordre où elles arrivent dans les menus, et ce n'est pas toujours très clair pour des gens comme moi qui n'y connaissent rien. Il y a un livre, il faudra que je l'achète. Parce que tout ce que j'ai eu, c'est le manuel. Donc c'est un peu dur. Donc j'ai réussi quand même, malgré tout, à utiliser les bons boutons, je crois. C'est pour ça que je dis que méfiez-vous de ce que vous lisez dans les livres quand vous voyez quelqu'un utiliser des réseaux. Et après tout ça, j'ai pu dessiner. C'est marqué ici. La chose suivante. Draw, ça veut dire dessiner en anglais. Donc, je me suis retrouvé avec l'essentiel de mes comptes qui n'étaient pas interconnectés et un certain nombre de comptes, et alors là, effectivement, j'ai fait un papier là-dessus, qui, eux, étaient interconnectés et l'interprétation possible de cette interconnexion était, enfin, il y avait une interprétation possible de cette interconnexion puisque ça correspondait le réseau central avec les gros traits. Les traits sont proportionnels à la valeur échangée. Ce réseau avec les gros traits en haut au centre est le réseau canadien de Gradis, puisque Gradis en réalité était un des grands fournisseurs du Canada en 1755. Et ensuite vous avez des sous-réseaux qui sont relativement discrets, qui ne sont pas interconnectés, et qui correspondent à des activités propres. Alors ça m'arrangeait bien, puisque ça collait avec la description modélisée que j'avais faite dans ma tête de l'activité marchande au XVIIIe siècle, qui est une activité par cercle discret d'activités organisées autour du contrôle de niches de marché, de manière plus ou moins cartélisée. Ce que j'ai confirmé en faisant le même travail à partir des marchandises, les comptes marchandises sont marqués par des carrés. Je vous résume le papier comme ça, si vous ne l'avez pas lu, ce que j'espère, vous saurez ce qu'il y a dedans. Et les marchandises, comme vous le voyez, sont connectées à des comptes, puisque là, je mesurais les transferts de valeur entre comptes de marchandises et comptes d'acteurs. Et le transfert de valeur entre comptes de marchandises et comptes d'acteurs fait apparaître, effectivement, des cercles d'acteurs qui sont associés à certaines marchandises. En d'autres termes, quand Gradis joue avec vous sur un de ses comptes de marchandises, normalement, il ne joue pas avec vous sur un compte de marchandises complètement différent. En bas à droite, en particulier, vous avez les marchandises coloniales, indigo, café et sucre, qui sont interconnectées. Au milieu, en gros, vous avez trois cercles qui correspondent à vin et eau de vie. Et à gauche, vous avez farine. Donc tout ça est tout à fait cohérent. Enfin, ça, j'ai essayé de faire la même chose avec les navires, et je me suis aperçu qu'avec les navires, ça marche tout à fait différemment, puisque une fois qu'on fait le travail avec les comptes navires, on se retrouve avec un fouillis indescriptible, enfin peut-être pas indescriptible, mais quand même avec des gens qui sont beaucoup plus participants collectivement à toutes les aventures de navires, avec en plus une grosse composante temporelle. Il y a 1,5 ou 2 navires liquidés par an, hein, à la fin d'un voyage au XVIIIe siècle. Et évidemment, quand c'est liquidé, ça fait un gros tas d'argent que vous voyez sous la forme de grosses taches noires en haut à gauche. C'est à ça que ça correspond. Les autres navires, eux, sont en activité, donc ils ne sont pas soldés, donc ils n'apparaissent pas avec cette taille. Alors après, j'ai essayé de faire la même chose sur mon marchand philadelphien, qui est malheureusement un marchand au détail, qui contrôle la moitié de la farine sur la vallée de la Delaware autour de Philadelphie. Il a des cousins dans chaque village sur un rayon de 80 km, et c'est à lui qu'on vend la farine. Il a 850 comptes, et ça se voit. Alors, on arrive à distinguer quand même certains relais. Il y a à peu près une vingtaine de personnes qui lui servent de relais et qui sont comme au centre de sous-réseaux, mais en gros, c'est beaucoup moins structuré. Pour les marchandises, c'est pareil. On ne peut pas dire que ce soit particulièrement frappant. Alors vous me direz, comment on voit si c'est frappant ou pas? eh ben, on bouge les traits et on bouge les ronds et on bouge les carrés jusqu'à temps que ça soit frappant. C'est-à-dire que non, il n'y a pas de réalité d'un dessin tant qu'on ne l'a pas tripoté. C'est de la représentation visuelle. Hein. C'est pas, moi, je ne sais pas faire les trucs mathématiques genre betweenness et synchronness parce que je n'ai pas encore appris. Un de ces jours, ça viendra peut-être. Mais du coup, ce que je fais, c'est que j'essaie de faire un dessin que je peux lire. Alors, vous me direz, c'est du qualitatif. Oui, mais pas plus que de rédiger un paragraphe tiré d'une lettre. C'est un peu du même genre, fondamentalement. Alors, effectivement, la représentation visuelle a quand même comme avantage que vous pouvez vérifier certaines hypothèses et que vous pouvez les compléter en attrapant des gens que vous attraperiez pas forcément dans les lettres. Alors, ce matin, enfin, cette nuit, quand je m'ennuyais, j'ai essayé quand même de... Parce que j'ai appris récemment, alors je suis pas sûr que c'est bon, hein, parce que ça n'a pas encore été corrigé, de faire le closeness et le betweenness grâce à Pagec, en appuyant sur les bons boutons. Et je constate que ça me donne plus ou moins la même chose, c'est-à-dire une série assez limitée au fond d'acteurs qui sont structurés plus ou moins pareil. Vous pourrez comparer les deux images dans ces jours si ça vous arrange. Bon, on a presque fini. Ça, après, je me suis dit, est-ce que je peux aller plus loin? Et ça, ça demandait un traitement statistique. Malheureusement, je suis encore plus nul en statistique qu'en analyse de réseau. Donc, tout ce que j'ai pu faire, c'est apprendre vaguement à me servir de R et distribuer les points en fonction de du montant annuel et de la quantité. Et j'ai trouvé un nuage que j'interpréterai un de ces jours, mais ce n'est pas le sujet ici, puisqu'on parle de réseau. Bon, donc, il y a un traitement statistique à faire par là-dessus que je n'ai pas encore fait, que je devrais faire, qu'il faut que je fasse. Et je vous promets de faire ça dans les 10 ans. Pour conclure... Ma définition du réseau, j'en ai pas. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, bon, j'ai triché, d'accord. Ma définition de l'analyse de réseau, ça, j'ai une vague idée quand même. C'est une approche statistique d'un ensemble de liens de nature homogène et commensurable, d'après l'observation empirique. Entre des éléments soumis à un processus commun qui peut expliquer ces liens par hypothèse théorique. Et on essaye de vérifier l'hypothèse. Moi, c'est comme ça que je vois la chose. Donc ça demande de faire une hypothèse d'abord, ensuite de construire un corpus qui est homogène, et ensuite de voir si le corpus fonctionne avec l'hypothèse. Ce que j'ai fait, sur certains points ça marche, Hollingsworth, vous avez remarqué, c'est moins probant, donc pour les grands négociants, je suis à peu près sûr de la façon dont ils tournent, pour le détail, c'est pas encore au point. Mais j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Merci.